Je suis Tom, le petit ver solitaire, et je vais vous chanter une petite chanson de ma composition. Je m'appelle Tom, je suis un ver solitaire, je vis dans ta boudine, ta grosse boudine. Je suis dans tes intestins et je me sens si bien dans ta boudine. Je vis